boys and girls, this is Rip and Roach. Salut à tous et on se retrouve pour une nouvelle heure de Pop and Rock. Allez, on commence avec ça. Notre 92e Pop and Rock sur RVR. Une heure de musique sans pub, sans prise de tête, et ce soir c'est une heure de Oldies but Goldies. Le principe, une heure de musique du 20e siècle, de Depeche Mode à Everlast, en passant par Dionysos, Broadchurch, mais aussi, tout de suite, Calvin Russell, ou quand le bagnard le plus célèbre prenait sa guitare. Well, I'm standing at the crossroads. There are so many roads to take. So I stand here so silently, for fear of a mistake. One path leads to paradise, and one path leads to pain. One path leads to freedom, baby. They all look the same. Well, I've traveled many roads, and not all of them were good. The foolish ones taught more to me than them wise ones ever could. One path leads to sacrifice, one path leads to shame, one path to freedom, baby, they all look the same. Now there were roads never traveled, and there were turns I did not take. So many mysteries I could not unravel. I think leaving you, that's my only mistake. So now I'm standing at the crossroads. I'm imprisoned by this doubt, as if by doing nothing, well, I might find my way out. One path leads to paradise, one path to shame, one path to freedom, they all look the same. There were roads never travel, and there were turns I did not take, and mysteries I could not unravel. Oh baby, leaving you's my mistake. I think of leaving you, that's my only mistake. Leaving you, mm-hmm. Kevin Russell avec son plus beau morceau Crossroads joué en session live. On est bien sur RVR et on poursuit, on fonce avec Everlast qui en 1998 nous sortait un de ses plus beaux morceaux. Le morceau s'appelait What It's Like, l'album entier est à écouter. Allez, on est parti avec Everlast. Lobs out, he replied. God forbid you ever had to walk a mile in his shoes. Then you really might know what it's like to sing the blues. Yeah, then you really might know what it's like. Yeah, then you really might know what it's like. Yeah, then you really might know what it's like. Tom said he was in love. He said, don't worry about a thing, baby, darling, the man you've been dreaming of. But 3 months later, he said he won't date or return her call. And she swear, goddamn, if you find that man cutting off his balls. And then she heads for the clinic and she gets some static walking through the door. They call her a killer and they call her a sinner and they call her a whore. Kevin Russell, Everlast, il y a de la testostérone ce soir dans Pop and Rock. Alors on rajoute une petite dose, et peut-être pas la moindre, avec Chris Isaak qui en 1985 nous faisait bouger, nous faisait transpirer avec Dancing. 84, je commençais à avoir quelques poils au menton. Je les rasais fièrement pendant que Rick Ocasek sortait avec The Cars l'album Heartbeat City avec le merveilleux Drive. Gonna tell you when it's too late. Who's gonna tell you things aren't so great? You can't go on thinking nothing. Who's gonna drive you home tonight? Who's gonna pick you up when you fall? Who's gonna hang you? Il y avait donc le fabuleux album des Cars, Heartbeat City. Mais cette même année, une comète apparaît, un chanteur à la voix de Diva, issu d'un groupe différent, capable de faire des reprises des standards des années 50-60, comme de créer des perles made in années 80. Le groupe c'est Bronski Beat, le chanteur c'est Jimmy Somerville, l'album c'était The Edge of Consent, et le morceau que je vous propose, Small Town Boy. Thank you. immédiatement, je pense à un film que j'ai vu en 91, l'histoire d'une bande de bras cassés qui veulent monter à un groupe. Film de Alan Parker, avec le chanteur Andrew Strong à la carrière éphémère. Le film s'appelait The Commitments. Le morceau que j'ai choisi, c'est un standard de Aretha Franklin, 1968, Chain of Fools, par les Commitments. Chain, chain, chain. Avec un pop and rock oldies but goldies, et à présent on va revenir vers une musique plus typée rock et new wave avec deux morceaux. Le premier ce sera Under the Milky Way des Church, et on enchaînera avec un cure peut-être pas le plus connu, pourtant un de leurs meilleurs titres, A Night Like This. Sometimes when this place gets kinda empty, sound of their breath fades with the light. I think about loveless fascination under the Milky Way tonight. Lower the curtain down in Memphis. Lower the curtain down on Rye. I got no time for private consultation under the Milky Way tonight. Wish I knew what you were looking for. Might have known what you would find. And it's something quite peculiar. Something shimmering and white. It leads you here, despite your destination, under the Milky Way tonight. Wish I knew what you were. peculiar. Something was shimmering and white. Leads you here, despite your destination. Under the Milky Way tonight. Wish I knew what. I'm always and ever is always Dans les années 80, quand on parlait des Cure, on n'était jamais très loin des Dépêche Mode. Certains étaient des curistes, d'autres étaient des modistes. Moi, j'adorais les deux groupes, et Dépêche Mode proposait parfois des compositions déroutantes, comme le Something to Do que je vous envoie tout de suite. C'était des références pour les mecs mal coiffés, vêtus de noir, mais pas encore tatoués. Pour les plus initiés, on faisait nos malins en écoutant un groupe au nom bizarre, Echo et les Hommes Lapins. Echo and the Bunnymen dans une reprise des Doors, People Are Strange, ou quand la copie vaut l'original. People are strange when you're strange. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are when you're down, when you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly. Wicked Dans les années 80, il y avait aussi des vrais musiciens, de vrais instruments, qu'ils soient synthétiques ou acoustiques. Dans les années 80, il y avait Alan Parsons Project, et un petit peu avant, il y avait un groupe qui s'appelait America. A desert with its life underground and the perfect disguise above.

peut-être que mes Oldies But Goldies étaient également ceux de Chris Martin, en tout cas si c'était les siens, ça l'a conduit à créer Coldplay. Allez, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. Bisous à tous.